un poisson d'eau douce, Idus waleki, est découvert dans le bassin du fleuve Chongchun en Corée. Il vit depuis le fleuve Amur de Russie jusqu'au fleuve Amnok et Duman de Corée. Étant une espèce répartie à l'époque glaciaire dans des cours d'eau et réservoirs d'eau au nord de la Corée, cette découverte porte une importance scientifique et économique. Des mesures sont prises pour le protéger et augmenter.